Nous sommes donc le 11 octobre 2013, il est 21h35 à peu près. Et vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, l'émission Nuisance, l'émission d'expression libre. Mais c'est pas possible. Et on essaie d'être intelligent ici, ce qui n'est pas possible évidemment non plus. Voilà, il est donc 21h35, avec un peu de chance, d'ici 25 minutes, je pourrai enfin dire de la merde. Et n'appelez pas, ça sert absolument à rien. On n'en a rien à foutre. Rien à foutre. Foutre. Voilà, donc le son est à peu près réglé, il n'y a pas trop de basse. Pas trop d'aigu, quoique. Et c'est donc Nuisance qui bat son plein. Son plein de quoi, on sait pas trop. Ou plutôt si, son plein de merde. Au 25e top, il sera 2h du matin. Pablo Torres. La contre-insurrection et la guerre révolutionnaire. Guérilla. Le seul procédé pactique capable de la détruire. L'embuscade d'anéantissement doit être le pivot tactique de la guérilla. Les embuscades de refoulement et de harcèlement seront considérées, elles, comme des tactiques auxiliaires ou supplémentaires. Lorsque par insuffisance d'équipement ou erreur de la direction, les formes auxiliaires prédominent sur l'embuscade d'anéantissement. La lutte armée, dans une retraite interminable, atteindra les niveaux les plus bas de la défense stratégique. La survivance. Embuscade. La méthode Ranger combine nombre de tactiques de la guérilla à ses propres procédés opérationnels. Avantagée par un solide appui logistique, la contre-guérilla peut facilement maintenir ses unités en embuscade 8 jours de suite, avec l'intention de profiter de l'effet de surprise pour exterminer la formation guérilla. Les lieux habituellement choisis pour leurs embuscades sont les croisements de chemin, les sentiers fréquemment empruntés, le confluent des rivières et autres passages obligatoires, les ponts, les chemins et voies tracées, les voies tracées à proximité des hameaux, ainsi que les routes et les collines dominant des espaces découverts. Embusquées sur les sentiers, chemins et voies, les forces régulières laissent en général passer l'avant-garde ou la patrouille d'éclaireurs de la guérilla pour concentrer leurs tirs sur la colonne. Les commandants de garde ou leurs remplaçants, tout en surveillant l'intérieur du campement, doivent inspecter chaque demi-heure les sentinelles en faction, maintenant ainsi une étroite surveillance générale. Les éclaireurs assureront une garde diurne et, le cas échéant, nocturne. Ils seront munis de jumelles puissantes mais peu volumineuses afin de ne pas être gênés dans leur marche à travers la végétation. Ils doivent être placés à une distance variant entre 30 minutes et 2 heures de marche depuis le campement provisoire jusqu'à un point élevé. Pendant la journée, ils seront relevés toutes les 4 ou 6 heures et de retour au campement, ils informeront le commandant de garde sur tout ce qu'ils ont observé. Troupes cantonnées, mouvements dans les bases de départ, hameaux, hélicoptères, déplacements de bétail, etc. Mais si à un moment donné, ils remarquent que l'ennemi débarque des troupes, les indices d'une offensive convergente, des opérations de ratissage, des mouvements tels qu'ils laissent supposer une manœuvre d'enveloppement ou l'avance d'unités de la contre-guérilla sur le fil rouge, ils doivent retourner immédiatement le communiquer sans perdre un seul instant. Il convient de choisir pour l'emplacement du campement provisoire 3 jours à une semaine une région élevée, bien touffue et voisine d'un ruisseau où le bois sec abonde, facile à aménager pour la nuit et dont l'arrière-plan présente des montagnes boisées ou des forêts nécessaires en cas de retraite urgente. Il n'est jamais conseillé de rester longtemps dans le même lieu ou à l'intérieur d'un périmètre déterminé et les précautions doivent redoubler au fur et à mesure que les jours passent. Il n'y a plus de doute que dans les pays où opèrent déjà deux des guérillas, un nouveau front armé, outre le fait d'être autonome, comptant avec une organisation urbaine clandestine, est indestructible et peut atteindre les premières étapes de la guerre du peuple, menant le processus au lieu de se laisser mener. Tu me saoules avec tes codes pourris, va te faire enculer, je t'emmerde. Tes codes, tu peux te les foutre au cul. C'est mon code qui importe. Et mon code, il t'encule. « Welcome, everybody. You are about to die once more in nuisances. What a nuisance. Fuck 'em. It's just shit. You gotta die. You gotta die now. Your hair green for all I care. Here it is. Here it goes. It's never gonna stop. It's gonna go on forever. You're gonna rot in fucking hell and you'll be alive. You'll be alive. Alive, goddammit. Aren't you dead yet, motherfuckers? You're about to rot in hell for what you've said. You deserve to rot in hell for what you've said, you piece of motherfucking shit. You gotta rot. You gotta rot to become somebody. Il faut pourrir pour devenir quelqu'un. Pourrir. Pourrir la moelle. C'est le 11 octobre 2013. Et c'est la merde. C'est la merde. C'est ça parce qu'il y a pas de merde. And the shit is about it. You know what I mean. It's about the shit. Yeah. That's what the fucker just said to me. He said fuck you. She said fuck. I mean, what the fuck? Eh ben, on a pas toujours ce qu'on veut. C'est une nuisance. Et on n'a jamais ce qu'on veut. Nuisance, c'est ce qu'on veut pas. Nuisance s'encule. La nuisance, c'est dans le cul qu'on se le met. Là, je veux dire. Mission nuisance, comme d'habitude, vous savez ce qu'elle vous fait. Elle vous fait vraiment. C'est ça, la mission nuisance. It's all about the shit, you know, I said that already. I said it a little bit earlier on, you know. I was saying the shit is all about it, you know, and that don't mean anything. So I'm gonna correct my sentence, my prior sentence, with this one. Allez vous faire foutre. Vous voyez, ça c'est pas ce que je disais en anglais, ça n'a aucun rapport. Mais pourtant, je l'ai dit en français, mais ça n'a toujours aucun rapport avec ce que je disais en anglais. J'étais en train de parler d'autre chose, vous voyez? Les foutre, c'est quoi déjà? Dis-moi, c'est quoi le foutre? Au hasard, papa, c'est quoi le foutre? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, que j'aille me faire enculer, c'est ça? D'accord, va te faire foutre alors. Okay, there's something going on, and it's not gonna happen, so let's fuck it. Let's fuck it on the ass. Yeah, it's cool. Non, c'est une émission à tendance, à peine tendance, bruitiste. Comme le bruit. So I'm meeting a guy in my head every single time, or I mean a thing, you know, a thing that's like alive and that feels and shit. And that person, let's say, that I meet in my head every single time I do this show, don't exist, you know what I mean? And that's where it is. I just don't exist anymore. So let's fuck each other in the asses. As in butt fucking, you know? Well, l'enculo. France is a country made of racists, and it's fucked up in the head because they're stupid. French people are stupid. Les Français sont les plus beaux de la terre. Vive la France. And France sucks because it stinks and it's pukey and it's crummy like hell and it fucks itself in the ass, you know. Et la France c'est aussi un magnifique pays parce qu'il y a des beaux monuments et une nature à voir qui est pure et belle. Belle comme la merde. Et également, monsieur disait donc en anglais que une bonne alimentation. Les Français ont une bonne alimentation, surtout dans le Nord, où ils mangent beaucoup de frites. Et de la bière. Vous allez me dire ça se boit la bière, ça se mange pas. Mais il paraît que ça vaut un repas en France. En France, c'est ce qu'ils disent, les Français ils disent. Ça vaut autant qu'un steak, une bière. Ce qui est cool finalement, parce que la viande, eh ben, on aime ça ou on n'aime pas. Et la bière, c'est pareil. Vive la France! La France libre! Alors, définition liberté, quoi. C'est pas mal. Liberté, c'est pas mal. Donc, je suis autant libre que je crois l'être, quoi. C'est une bonne définition de la liberté, je trouve. C'est perso. On va parler de sodomie maintenant. Scotomie, comme vous voulez, appelez-moi au 05 61 53 36 95. Non, n'appelez pas en fait. Décroche. Non, n'appelez pas, ça sert à rien du tout, vous allez cramer du crédit pour rien ou perdre du temps. Ouais. Pas cramer du crédit parce qu'il n'y a pas de répondeur ici. Tant mieux d'ailleurs. Bon, pour tous les gens qui vont en boîte, spécial dédicace, allez vous faire enculer quoi. Pour moi-même, je suis une grosse merde qui pue de la gueule. Qui n'est que de la gueule d'ailleurs. C'est-à-dire que je suis une merde qui n'a que de la gueule. Qui ouvre sa gueule quand il faudrait pas parce qu'une merde ça parle pas normalement. Je vais fermer ma gueule maintenant. Le plaisir. Traduire le plaisir du général de Gaulle. Le plaisir. Le plaisir. Actuellement à Londres. De choix. Ce sont les chars, les avions. Elle n'est pas toute seule. Ouais. Je nous apporter de jolies. Yeah, let's fuck them. Let's fuck us. Let's fuck us. Yeah, that's a good one. Allez, baisons-nous. Ouais. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'en est une bonne, ça. Baisons-nous. Ouais. Jusqu'au bout. Ouais. Baisons-nous. Pour nous baiser, je vous explique. On se prend, on se retourne, on s'encule. Donc n'appelez pas. Alors voilà, la notice explicative manque à l'appel du chômage. Mais non, il n'y a pas de cul dans le cul. Dans la chambre chômage, mais non, il n'y a pas de cul, Il n'y a pas de cul. Donc à comprendre, il n'y a pas de cul après le R, c'est plutôt le R qui a pris le Q. Allez, c'est le FGH, IJKL, MNOP, QR, ST. Il n'y a pas de cul. Après le R. Il n'y a pas de cul. Il est grand, qui se levait et qui allait au mur des fédérés saluer les 30 000 morts de la semaine sanglante. Mais personne ne voulait aller les uns avec les autres, tout le monde était fâché, surtout pas avec les communistes. En premier lieu marchaient les survivants de la Commune de Paris, ils étaient 4 ou 5. Et ils partaient les drapeaux de la commune. Derrière eux, les enfants socialistes, j'ai bien dit. Après venaient les syndicats, les grandes organisations syndicales et le Parti socialiste. Et beaucoup plus loin venaient les. Donc blablabla, j'en ai rien à foutre, la révolution c'est pour les cons, et on est tous foutus, et on s'encule. Et d'abord, c'est une opinion politique, on est de la merde, et donc je m'encule moi-même, tellement je suis con, et tellement je veux gagner. Et donc je veux gagner.

représentant la bêtise. Et le fion qui pue du cul. La merde, je veux dire. Oui, la merde. Tu vois ce que je veux dire? Abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Disperser les forces ennemies. Il doit rester clairement établi que la genèse de l'obstacle n'est pas toujours principalement militaire. L'offensive politique d'un régime doit se faire en harmonie avec sa base sociale quand celle-ci est encore suffisamment large. Alors pourquoi mettre en jeu le prestige des forces officielles tombées dans une embuscade tendue par la guérilla? Pourquoi rendre possible les désertions et permettre les abus contre la population civile qui se font toujours et qui toujours favorisent le mouvement révolutionnaire quand il suffit d'isoler un foyer pour lui faire entendre raison? Ennemis à abattre, ennemis à abattre. Lui faire entendre raison. Ennemis à abattre, ennemis à abattre. Lui faire entendre raison. Les circonstances servent mieux les camarillas fantoches. Elles se sont en général parées d'un élégant anti-yankisme et d'un nationalisme fort à des fins professionnelles. À des fins professionnelles, pour proclamer une politique unitaire autour des forces nationales de l'ordre. Une politique unitaire autour des forces nationales de l'ordre. Une politique unitaire autour des forces nationales de l'ordre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ce qui est grave pour un mouvement de guérilla, ce n'est pas l'écrasante puissance militaire d'une armée régulière dont la capacité, comme nous l'avons signalé, ne peut pleinement se développer qu'avec son aviation, ses tanks, son artillerie, sa marine, etc. dans des opérations classiques. Ce n'est pas non plus qu'une partie spécialisée de cette armée ose ouvertement disputer l'initiative aux guérillas, mais c'est qu'elles réussissent à s'en emparer, comme cela arrive en Amérique latine. À partir de ce moment, la guérilla est soit anéantie, soit vouée à la chronicité. La nature même de la guerre de guérilla oblige le guérillero à recourir à l'esprit d'initiative et à le développer. L'esprit d'initiative est indispensable. Sans lui, aucune guerre de guérilla ne peut vivre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis tant qu'on ne pratiquera pas et qu'on ne diffusera pas la guerre de mine parmi les fronts armés latino-américains, ce sera une déconcertante sous-emploi de la surprise. On n'a pas encore reconnu l'embuscade d'anéantissement comme le pivot tactique de la guérilla, ce qui a permis à la contre-guérilla de conserver intact son harcèlement et avec lui l'initiative générale. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Ennemis à abattre. Les ennemis à abattre. Arôme fraise ou banane, meilleur banane. It's a milkshake, melting. Jeune obstruction démocanisée, mentalité défroquée. Friquez-les, car le fric, on le chie, on le spolie. On l'a trop vu atrophier, les regards et l'attention. Ainsi soit-il, ou elle, que va devenir l'obstruction momentanée d'une phase. Quand les mêmes guérillas réussissent des embuscades successives d'anéantissement ou déflagrantes, leur réputation et la manière dont elles finissent par isoler les pelotons de harcèlement leur permettront de faire des prisonniers. Sur un terrain bien choisi, dès que l'avant-garde et plus de la moitié de la colonne ennemie seront entrés sur le trajet miné, on les intimidera en leur criant qu'ils vont sauter. Sauter! Réellement ciel. En leur criant qu'ils vont sauter. Allez tous vous faire foutre. Allons tous se faire niquer. Je vais m'enculer de sorte que devant vous, chatte ainsi, ce soir. Puis reposer l'élément sur une table vendeur, car ainsi va la vie, comme de turgescence et de misanthropie, mélancolique genre chiasse de merde pourrite, ouais, puis enfin, se puisse puiser dans le puits profond de l'abîme qui suinte, dans le port de la peau suintante, dans le port où tire la roche, Entendez pain d'épices. Panini, panini, des eunuques, des blatérants, des insanités à la télé sont des merdes. Je répète, des eunuques, des blatérants, des conneries de merde à la télévision, c'est de la merde. Vous écoutez Nuisance. Nuisance est une émission qui nuit au sens, une émission de déblatérance, une émission de merde qui s'encule elle-même. Nuisance s'encule parce que d'abord, c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'enculer pour pouvoir pourvoir justement à la masse, blablabla, j'en ai rien à foutre, je m'encule, c'est bon, ça. Alors, emporté dans la spire ascendante des paroles, l'âme de la multitude parut s'élever tout à coup au sentiment de la beauté, comme à une cime jamais atteinte. Pas de cul. L'éloquence du maître était secondée par l'expression de toutes les choses d'alentour. Elle semblait reprendre et continuer les rites auxquels obéissait toute la grâce et toute la force figurée sur ses murailles. Elle semblait résumer les concordances idéales entre ses formes que l'art humain avait créées et les qualités de l'atmosphère naturelle où elle se perpétuait. Voilà pourquoi son verbe étant noir et son geste amplifiait si aisément les contours des images. Voilà pourquoi la vertu suggestive du son rehaussait à ce point le sens de la lettre. Ce n'était pas seulement l'habitude, enfin, l'effet d'une communication électrique établie entre l'orateur et l'auditoire. C'était aussi l'enchantement qui gagnait toutes les pierres du prodigieux. It's fucking shit, it's shit, yeah, it's shit, shit. You got that? It means fuck. It means fuck. It means fuck. Yeah, it means fuck. It's shit. It's shit like you are, like I am, like we are. We're shit. We're shit. Shit. We're fuck. We're fuck. We're fucked. So let's fuck each other. Let's fuck each other in the asses. God damn. I mean, like, have you ever seen a dildo with eyes? Whisper, longue soirée, donc en perspective, sur les ondes 92, bienvenue. Et oui, c'est l'enfer. Et les émeraudes d'Andriana de Rondo, les rubis de Justiana Memo, les saphirs de l'Ambulatérale, les bérils d'Orsette Lacanda, les turquoises de Nobia Corrère, tous les joyaux de l'Ambulatérale. Pour les mouvements de guérilla, si le but stratégique est la prise du pouvoir, l'objectif stratégique, le plus immédiat, le premier, et la prise du sentier, ce qui est impossible tant que le pré-contact permanent continue d'être le point de gravité des offensives de la contre-guérilla. Le harcèlement, en limitant stratégiquement et tactiquement les guérillas à la défensive, perpétue un phénomène continental connu sous le nom conventionnel de survivance armée. La survivance armée. La survivance. La survivance. Mais si pour prendre le pouvoir politique, toujours conditionné par le double caractère politico-militaire de la guerre du peuple, la défaite catégorique des forces répressives devient nécessaire. La défaite catégorique des forces répressives devient nécessaire. Harcèlement maximum. Dresser les embuscades. Anéantir les survivants. L'ennemi. Dans la guerre révolutionnaire, les concepts exprimés par les expressions combat à décision rapide, coup éclair, frappe et court, mort et fuit, etc. révèlent le besoin d'opérer avec un dynamisme particulier. Autrement dit, il faut tous et toutes nous niquer. Vite, suicide collectif. Meurtre. Tuez les patrons. Mangez-les. Rien à foutre. C'est de la merde. C'est à ce moment précis que le mec me dit « Mais t'es fou toi ?» Et je dis « Ouais, et toi t'es très con. » Trop quand on a affaire à être con, on lui dit pas. C'est comme ça. Le bus est con, le bus est long à tuer. C'est dans le code. Révise ton code. J'essayais de former de façon freudo-marxisto-trotskiste les futurs instituteurs, et pas simplement les futurs instituteurs de la région parisienne, mais aussi j'avais la même emprise obtenue après 3 années d'efforts à l'École normale supérieure d'éducation physique. J'étais devenu raïfien en Suisse, et je pensais que dans le domaine surtout des jeunes, avait besoin de se poser des questions et d'essayer de pratiquer la liberté sexuelle. Puisque j'aime beaucoup ce terme-là, et la nuit, l'un ou l'autre avait au moins un endroit où il pouvait coucher avec sa petite amie. Mais je faisais ça quasiment à titre personnel, puisque personne ne me contrôlait. Lambert était paf d'admiration des succès et des ravages, entre guillemets, que je faisais parmi une fraction de la jeunesse, qu'il faut appeler naturellement la jeunesse intellectuelle. Tous les jeunes intellectuels qui venaient quasi exclusivement par mon entremise. J'ai donc exercé des ravages parmi des gens qui, professionnellement, n'étaient pas encore dans la vie avec un grand V. La vie et qui à ce moment-là était donc la frénésie par leur situation. Presque épuisé par l'incroyable intensité de la vie. Il se remit à parler. Sa parole eut l'éclat sourd de cet amour tonal que les maîtres jadis façonnèrent à la cité belle. Il dit la floraison d'art comprise entre la jeunesse de Pierre-Jean et la vieillesse du Tantor. La vieillesse du Tantor. La montra, empourprée, dorée, opulente et expressive, comme la pompe de la terre, pompe-moi la terre, flamme du soleil. Mais c'est une émission hautement pédagogique ce soir. Nous allons découvrir ensemble la musique bruitiste. Bruitiste comme le bruit, l'odeur, l'achoppement sur la merde, et tout ça qui va avec l'extrémité, la turgescence, la violence, la puissance, tout ça dans un abcès d'absence pour vous ce soir. Un Larsen 2 également en prévision sur une sacrée soirée que nous allons passer ensemble. Il a eu un accident, il a disparu de la circulation. Est-ce qu'il est mort? Eh ben non, c'est pas de sacré sorel pour les yeux. Plutôt crevé, allons se faire. C'est une fête personnelle extraordinaire dans mes yeux. Sphincter, c'est blessure. Par radiothérapie, je te sens. Autre désir d'identif et entuer. Pour te voir, l'autre te disparaît. Les relations publiques, c'est-à-dire politiques, dans ses yeux, avaient une importance plus grande que les relations privées, c'est-à-dire une amitié entre deux garçons. Levrette, d'autres espoirs, de merde, de merde. Et tant que je te fais, ainsi pour ainsi dire, jamais je n'oublie l'éternel. La nuit s'en fout. Alors, jeune chercheur en mathématiques, je suis éboué et gagné au trotskisme de l'organisation communiste internationaliste par un certain camarade Michel, alias Lionel Jospin, qui prend en charge sa formation à travers la conscience étudiante, Brugnon de pomme, trognon de pêche. Le bruitiste est fondé sur le napoir et dans le derche. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Je ne savais pas à l'époque si je savais que je pensais qu'il était nar et ça l'était. Je savais que c'était pas forcément parce que j'étais plus contraint ou placé dans l'appareil d'État. Il avait dit que j'avais dit voilà, je suis navré, mais bon, pour ça, je suis à vous, mais je n'ai pas mon nom, parce que je suis un peu moins clandestin. Quoi. j'avais un peu l'antique, c'était pas, je suppose que très large, c'était peut-être évident, c'était pas d'une clandestinité, pour faire une joute, c'était, voilà, je m'en fichais sûr. Pas de problème, je vois. Mais je sais que je lui ai dit, j'accepte de le considérer dorénavant comme un clan aussi, bien aussi, c'est deux mots comme moi, parce qu'il y a un nom qui parle de toujours comme un clan. Et ça m'est resté longtemps, ça me reste encore. Ça me reste maintenant dans un corps. Secrétaire national de l'actuel Parti des Travailleurs, co-auteur de Pierre Lambert d'un livre intitulé Itinéraire, paru récemment au Tour de Chaussée. Daniel Gutstein. Nous n'avons pas parlé de ce ignoble des raisons. Ce n'est pas lui qui a le sens de lui à la question. La musique, c'est beau, parce que le guano. On n'a pas les contacts. C'est ça, la musique. C'est beau. T'entends? La musique, c'est beau. T'entends la musique, c'est beau. L'État, c'est l'instrument de la domination de la classe bourgeoise, et je ne vois pas que l'infiltration de gens extrêmement intelligents ou quoi que ce soit puisse transformer la 5e République, par exemple, en un instrument de libération de la classe bourgeoise. Donc c'est pas notre conception sans sens que c'est un truc. Joachim a été au Parti Socialiste, à un moment donné, au Parti Socialiste, proposé en quelque sorte la rupture entre la bourgeoisie, soit ici, soit qu'il est convaincu à cette base, et où nous, comme une voix, nous avions sur ce point, sur ce point, pas sur d'autres, une convergence avec ceux des dirigeants socialistes qui voulaient positionner le Parti Socialiste sur le terrain de la rupture entre la bourgeoisie. Donc, comme vous avez dit, C'est pour ça d'ailleurs que l'on suit la restauration des tomates. Si on avait pensé que c'était une situation entre le 4 et le 5, pour faire un bon pouvoir, c'est là qu'il y a la différence. Le secteur est assez simple. Là où elle a mis la solution, c'est la solution. Si un mouvement d'appartement vers une chose infinie, à s'adresser pour défendre son intérêt, il n'a pas de problème. C'est l'enfer! Alors, je me suis fait un peu de temps, Merde. J'ai dit merde, ouais. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis quelque chose encore, parce que voilà. Je dis quelque chose parce que parce que je n'en ai rien à foutre. Thank you. Yeah, so I was saying, je disais, si vous écoutez Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, sur Canal Sud ou www.canalsud.net. Oui, donc Canal Sud, c'est une radio associative libre. Et comme d'habitude, j'en chie. Merci au patron, c'est des connards. D'habitude c'est la merde, on se fait chier. C'est ça la vie, c'est ça qui est bien avec la vie, c'est que c'est la vie. nuisances, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Vous êtes les malvenus. Là tout de suite, je vous encule. La boîte, c'est pour la merde. La boîte à caca, ça s'appelle. sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance. bah, je crois que vous avez compris, Nuisance, ça fait chier, et Nuisance se fait chier, donc voilà, donc ça va bientôt être fini, d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que ça va, ouais, bah c'est fini, quoi. C'était donc Nuisance du 11 octobre 2013. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Rien d'autre à ajouter. Bonne soirée.